une histoire particulière. En janvier 2016, le père Prena était mis en examen pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts entre 1986 et 1991. Cependant, il fut gardé en poste. Sans la mobilisation d'anciennes victimes réunies dans l'association La Parole Libérée, il n'y aurait pas eu de mobilisation judiciaire. Après cette affaire de pédophilie, la justice a ensuite ouvert une enquête, notamment pour non-dénonciation de crimes, après plusieurs plaintes contre le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules. Au courant des faits, il n'a rien fait pour mettre fin aux agissements du prêtre incriminé. Le 7 mars dernier, le cardinal Barbarin est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. C'est un coup de tonnerre pour l'Église de France. Il présente sa démission le 20 mars dernier au pape, qui la refuse. Au nom de la présomption d'innocence, une décision qui plonge certains fidèles dans le désarroi et la perplexité. Pour le documentaire de ce week-end, nous allons revenir en 2004. Pour l'émission Le Vif du Sujet, diffusée sur France Culture, Michel Pomarède et François Test s'étaient rendus à Lyon pour enquêter au sein du séminaire supérieur de ces questions de foi, de sexualité, de tempérance, avec notamment des candidats à la prêtrise. À l'époque, une affaire similaire avait déjà, hélas, défrayé la chronique. On a encore en mémoire le procès de l'abbé Morel, condamné il y a 7 mois à 10 ans de prison par la cour d'assises de l'Aveyron pour les viols de deux mineurs. Voici aujourd'hui devant la cour d'assises du Calvados à Caen, celui de l'abbé Bisset, accusé de viol, lui aussi, plusieurs, tentative d'agression sexuelle et corruption de mineurs. Les faits se sont déroulés entre 87 et 96 à Caen, puis à Vaucelles. La foi à l'épreuve de la chair. Michel Pomarède, François Test. La première réaction est toujours un peu une réaction de... Je crois que mon sentiment, c'est l'abattement. Un peu de désarroi. Je le vis d'abord comme une souffrance, parce que à partir d'un moment où... Ben mal. D'abord par rapport à l'acte en lui-même, à ce qui se fait, qui, déjà en tant qu'homme, me révolte. Mal, parce que c'est un scandale, au sens fort du mot, c'est-à-dire... Une souffrance aussi au sein de l'Église. Dans l'Évangile, le scandale, c'est ce qui fait obstacle au Christ. À cette affaire de pédophilie qui concerne une fois de plus l'Église, s'ajoute celle du supérieur hiérarchique de l'abbé Bisset, l'évêque de Bayeux-Lisieux, Mgr Piquant, accusé de non-dénonciation de crime. Celui-ci était au courant, il a même rencontré pendant un temps, deux fois par semaine, l'abbé Bisset, avant qu'il ne parte en maison de repos et commence une psychothérapie. Celui-ci avait ensuite demandé à retourner en paroisse, se disant guéri, ce qui lui fut accordé en 98. Pour la croix, ça faisait pas un pli qu'on allait traiter cette info. La question était de savoir comment le faire, y aller un peu sur la pointe des pieds, etc. Je me souviens très bien du titre. C'était « Des enfants victimes de prêtres ». L'étonnant dans cette affaire, c'est que ça a sauté à la figure d'un grand nombre de lecteurs. C'était proprement insoutenable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'association de ces trois mots « enfants victimes de prêtres ». C'était tellement insupportable que les gens rejetaient tout en bloc. Le fait d'en parler, ce sont des histoires dont on ne parle pas en public, c'est du linge sale qui doit pouvoir se laver en famille au sein de l'église, ou alors le côté graveleux, vous donnez aussi dans le torchon, vous faites de la presse de caniveau, je ne savais pas que la croix était au format tabloïd, enfin, etc. Bien, moi, en tant que chrétien, je suis bouleversé. J'ai eu trop vu de parents, j'ai trop vu de jeunes qui étaient cassés, dont la vie était brisée à jamais. Et je dirais que je réagis déjà par rapport à ce témoignage des victimes, je dirais de manière tout à fait indignée. Mais je réagis de manière encore plus indignée, et je dirais, je trouve l'attitude de l'institution encore plus scélérate quand elle couvre ce qui n'est pas couvrable, quand elle couvre un déni de justice de ce type-là. La suite, hélas, a banalisé le phénomène. C'est-à-dire que nos lecteurs en sont devenus, non pas des habitués de ce genre d'infos, mais malheureusement, ce type de nouvelles est apparu de plus en plus souvent. Non pas, bien sûr, vous le savez comme moi, parce qu'il y avait de plus en plus de prêtres pédophiles, mais parce qu'une certaine évolution des mœurs, le temps a fait son œuvre et a permis que ces affaires-là sortent enfin de l'oubli. Je dis enfin pour les victimes d'abord et pour que justice soit faite aussi, bien sûr. Église et pédophilie. Depuis près de 10 ans, les deux mots sont accolés dans la rubrique des faits divers, dans les journaux ou à la radio. Plus récemment, il y a 4 ans, s'est tenu le premier procès d'un prêtre accusé d'avoir abusé d'enfants. Comment l'Église a-t-elle encaissé le choc de la trahison de ses fils ? En 2000, à Lourdes, l'institution a commencé à répondre avec la réunion des évêques de France qui ont pris conscience de l'effet désastreux de ces affaires. Et aujourd'hui, Le vif du sujet a choisi de donner la parole à des hommes qui sont déjà ou qui seront bientôt au service de l'Église. Au-delà du fait divers, au-delà de la pédophilie, il est aussi question pour eux de concilier sexualité et foi chrétienne. Un paradoxe, un défi sur lequel réfléchit notamment une femme de l'Église, sœur Véronique Margron. Je suis théologienne, c'est-à-dire que j'enseigne essentiellement l'éthique, hein, ce qui est très à la mode aujourd'hui, d'enseigner l'éthique ou la morale, à la faculté de théologie de la Cato d'Angers et puis à celle de Paris. Et dans ce cadre-là, donc, j'enseigne beaucoup les questions tournant autour de la vie affective, pour une part, et de la bioéthique. Quand vous ouvrez le journal et que vous voyez des titres comme « prêtre pédophile », quel est votre sentiment ? Je crois que mon sentiment, c'est l'abattement. Mon sentiment. C'est l'abattement d'abord par... de par le souci très charnel presque, si je puis me permettre cette expression, de la victime. Parce qu'il se trouve que je reçois un certain nombre de gens qui ont été victimes de violences sexuelles, surtout de par leurs proches, hein, leur père, leur frère, leur oncle, bon, parfois un prêtre. Et donc, quand je vois ça, j'ai automatiquement des visages dans le cœur et dans l'esprit. Et donc, c'est vrai que mon premier sentiment, c'est l'abattement. Après, c'est l'abattement quant au visage de l'Église, hein, c'est-à-dire quant à me dire... si cette histoire est vraie, bon, ce qui reste après à vérifier, bien sûr, mais si elle est vraie, nous savons bien tout ce que ça veut dire encore de, non seulement de la trahison, mais tant de tristesse pour des gens, tant de tristesse que l'Évangile a été bafoué quand même, hein. C'est-à-dire que là où on devrait exercer le maximum de respect, se soit exercé le maximum de violence. Et que ça vous rend, profondément malheureux, quoi. Alors après, je peux penser aux prêtres, mais il faut reconnaître que, comme il se trouve que je reçois un certain nombre de gens en situation douloureuse, je pense rarement aux prêtres d'abord. J'y pense vraiment que dans un second temps, en me disant, bon, et lui, si c'est vrai, comment il va faire d'abord pour accéder à la vérité ? Parce qu'on sait bien que pour les personnalités pédophiles, c'est très très dur de reconnaître la vérité de leur acte, parce qu'il y a une sorte de clivage de la personnalité chez beaucoup. Et puis, si c'est faux, quelle tragédie, hein, parce que on est, enfin, moi, je suis le témoin indirect, hein, mais du suicide d'au moins deux prêtres pour dénonciation calomnieuse. Donc, on ne peut pas oublier non plus cette question-là. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir, là ? Alors, Père Bonnet, où est-ce qu'on est ? Eh bien, ici, vous êtes sur la colline de Fourvière, la colline qui prie, par rapport à la Croix-Rousse, la colline qui travaille, enfin, c'est ce qu'on disait autrefois. Et alors, vous êtes même là, tout près de ce qui fut le séminaire de Lyon pendant des années, le séminaire Saint-Just, qui est maintenant devenu un collège, un lycée, un grand lycée, et qui a été repris par l'État en 1905. Alors, à partir de ce moment-là, une partie s'en est allée à Sainte-Foy, où il y a le séminaire Saint-Irénée. Et pour ceux qui suivaient les cours de la Cato, on a aménagé ce bâtiment qui est le séminaire universitaire, mais qui est tout près de l'autre. Alors dans ce séminaire, c'est un séminaire relativement peu nombreux, puisqu'il y a 20 séminaristes. 20 séminaristes venus de tous les diocèses du sud de la France. Donc vous êtes le père supérieur du... Alors il se trouve que j'étais pendant 2 ans uniquement supérieur de Saint-Irénée. Et comme le supérieur de cette maison, Père Giraud, est devenu évêque auxiliaire de Lyon, eh bien, j'assume aussi pour cette année la responsabilité de ce séminaire. Association médico-psychologique d'aide aux religieux. C'est ça le mot AMAR. Alors cette association a été créée avec 3 objectifs. D'abord, examiner des candidats à la vie religieuse ou au sacerdoce. Et ceci en écho à une instruction romaine dans l'encyclique Sedes Sapientiae qui conseillait d'apporter, je résume, une attention particulière à la psychologie des gens candidats aux états de perfection. À l'époque, la vie religieuse s'appelait les états de perfection. Et on conseillait que pour l'étude de l'idonéité, c'est-à-dire ce qu'ils sont idoines, aptes, on conseillait une attention psychologique, je résume. Qui on reçoit comme prêtre dans un comme futur prêtre, comme candidat à la prêtrise, comme séminariste, hein, comme jeune en formation. Puis il y a après la réalité de cette formation. Comment on les forme? Qu'est-ce qu'on leur dit sur cette question? Comment est-ce qu'ils sont accompagnés? Comment est-ce qu'il y a un vrai lien qui va pouvoir s'opérer entre ce qui est dit dans la tête et ce qui se passe dans le corps? Parce qu'on peut dire toutes les plus belles choses du monde dans la tête sans que ça soit jamais intégré dans le corps. Et puis, qu'est-ce qui se passe après dans la vie réelle? Parce que le séminaire, c'est quand même un peu un monde relativement clos, même si des gens y viennent, même si les séminaristes sortent. Enfin, c'est un monde assez protégé. Donc, l'AMAR a été créé premièrement pour examiner, permettre l'examen de candidats à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale. Deuxièmement, pour donner une formation aux responsables religieux, et tout particulièrement dans les années 60, mais ça a continué et ça continue toujours, pour former les responsables des grands séminaires, des instituts religieux, des monastères. Et il y a 3 jours, nous avions à l'Institut catholique de Paris les 3e entretiens de l'AMAR, qui ont rassemblé 160 supérieurs majeurs, abbés, abbesses, etc. Père Bonnet, à l'intérieur des murs de ce séminaire, comment est-ce qu'a été reçue l'actualité récente, un peu fracassante, des faits divers mêlant prêtres et pédophilie? C'est toujours un drame pour les séminaristes, surtout quand ils connaissent les personnes. Par exemple, vous avez eu récemment une histoire en Maurienne où un certain nombre d'entre nous connaissaient très bien le père et ont été, j'allais dire, sont tombés de haut quand ils ont appris qu'il y avait pu y avoir des problèmes car ils en avaient jamais soupçonné. Alors, la première réaction est toujours un peu une réaction de, comment dirais-je, un peu de désarroi, en disant comment se fait-il que des gens qui ont pu être des pasteurs, etc., ont pu avoir en même temps ou à côté ce type d'activité. La deuxième réaction, elle est, c'est vrai que dans le clergé, il y en a, mais pourquoi est-ce que systématiquement, dès qu'il y a le moindre prêtre qui a des problèmes de ce côté-là, il fait la une de tous les journaux et de la télé, alors que l'on sait que 90% des cas se passent dans la famille? Michel Kubler, rédacteur en chef au journal La Croix. Si vous considérez le corps des prêtres en France, ça fait un groupe de 25 000 personnes. Et l'ensemble des statistiques qu'on a réussi à avoir il y a 2 ou 3 ans, c'est-à-dire au moment notamment où les évêques de France ont vraiment mis le dossier en chantier lors de leur assemblée à Lourdes en novembre 2000, on avait le chiffre tout à fait plausible de 25 ou 30 prêtres soupçonnés ou dont l'affaire était en cours d'instruction et pour une part condamnés pour des faits de pédophilie. Donc 25 sur 25 000, ça veut dire un prêtre sur 1000. Ça fait évidemment autant de trop, évidemment, il faut le dire tout de suite. Mais en même temps, un prêtre pour 1000, on peut quand même pas dire que le clergé soit comme tel gangréné par la pédophilie. Je m'appelle Grégoire Kamprops, j'ai 31 ans, j'ai fait une école d'ingénieur, puis ensuite, à la fin de cette école d'ingénieur, j'ai mon service militaire, et au cours du service militaire, les questions que j'avais par rapport au sacerdoce se sont précisées, et donc je suis rentré au séminaire. Quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai été à Paray-le-Monial, qui est une petite ville en Bourgogne, et où pendant l'été, au cours d'un rassemblement de jeunes, et bien tout ce que j'avais appris, que je savais, c'est-à-dire que Dieu m'aimait, que le Christ était mort sur la croix pour moi, pour me sauver, tout ça, c'est devenu vrai, vivant. C'est un petit peu comme si j'étais tombé amoureux de Dieu, ou plutôt comme si je me rendais compte que Dieu était amoureux de moi. Et alors du coup, j'avais envie de répondre à cet amour par un amour qui pouvait aller jusqu'au don de ma vie. Alors puis ensuite, les choses se sont précisées. Donc ça, c'était en seconde, première. Donc je ne savais pas trop encore comment. Alors j'ai fait des études, prépa. Là, la question s'est un petit peu passée au second plan. une école d'ingénieurs. Là, j'ai rencontré une jeune fille. Donc la question est de passer encore un peu plus au second plan. Et le temps du service militaire, qui est un temps un petit peu de sas entre les études, la vie, une vie étudiante et puis une vie professionnelle, a été l'occasion d'une réflexion un petit peu solide dans le temps, un petit peu continue, et où après, avec quelques week-ends, rencontrant d'autres jeunes qui se posaient les mêmes questions, ben il m'est apparu assez clairement que c'était ça que je désirais faire, parce que je pensais y reconnaître un appel de Dieu, et puis parce que j'y pensais aussi reconnaître un appel au bonheur aussi pour moi. Comment vous avez ressenti, vous avez vécu les affaires liant prêtres et pédophilie, notamment dans la presse, à la radio? Comment est-ce que vous l'avez ressenti, ces affaires, ici au séminaire? Ben mal. Mal, parce que c'est un scandale, au sens fort du mot, c'est-à-dire, dans l'évangile, le scandale, c'est ce qui fait obstacle au Christ. Le Christ a des paroles sévères pour ceux par qui le scandale arrive. Et alors, il y a la miséricorde, bien sûr, mais il y a quand même des paroles qui sont sévères. Et de fait, oui, c'est scandaleux. Voilà. Ça n'a pas remis en cause profondément l'appel au sacerdoce. Parce que je suis plus devant une incompréhension qu'autre chose. Un prêtre qui quitterait le sacerdoce pour se marier, ça éventuellement, ça pourrait, enfin, on pourrait imaginer que ça remette en cause, parce que c'est quelque chose qui est compréhensible, on comprend. Bon, un prêtre qui est pédophile, ben ça, un prêtre ou pas un prêtre d'ailleurs, c'est, on voit bien d'ailleurs comment les gens réagissent, ben je réagis comme eux. À la fois, il y a une dimension de scandale, on est outré, et à la fois, il y a une incompréhension. On se dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, François Marchand, je suis psychologue de l'éducation. J'ai à la main un rôle à la fois d'éducateur et de formateur. Au niveau de l'examen des candidats, j'ai examiné quand même plus de 3000 personnes. Dont une grande majorité dans un premier temps étaient des candidats à la vie religieuse sacerdotale, et puis ensuite des gens en difficulté. Bon, les gens qui s'engagent dans la vie sacerdotale, il y en a qui ont été profondément amoureux et puis qui ont fait un autre choix. Vous en avez qui ont été déçus et qui pensent que la vie religieuse va compenser cette déception. C'est une autre hypothèse. Hein. Et ça, quand on l'observe, cette affaire-là, c'est un signe déjà plus que suspect pour nous. Et on va essayer d'aider les gens à se rendre compte de ce que ça veut dire. Le trouble qu'on recherche, puisque c'est une question que vous posiez, ce sont des troubles du jugement. L'adolescent commence par des jugements immatures, égocentriques. Égocentrique, c'est une incapacité à se centrer sur un autre point de vue que le sien. Pour l'égocentrisme, c'est que ce qu'on pense, c'est vrai. Du moment qu'on est convaincu, ma conviction, c'est la vérité. Bon. Et l'important pour un adolescent, au moment où il sort de l'enfance, du fait de sa maturation génitale, l'important pour lui, c'est de créer une nouvelle identité. Ne plus être un enfant, c'est devenir quelqu'un de reconnu. Alors on va dire un adulte. Alors, pour des gens qui vont vers une activité de type pastoral, il est particulièrement important qu'ils aient acquis une certaine capacité de relativiser, de hiérarchiser, de réciprociser, c'est-à-dire de comprendre que ce que vous pensez de moi réciproquement, vous pouvez le penser de moi. De faire des projets et de prévoir les conséquences des projets. L'adolescent, lui, il vit l'instant. Demain, on verra bien. Concrètement, François Marchand, ça veut dire que les futurs prêtres que vous recevez ici, certains ne discernent pas clairement quelle va être leur vie sacerdotale, la solitude ou leur désarroi affectif. Bien entendu, de même que celui qui s'engage dans tous ces jeunes qui s'engagent dans une relation privilégiée et amoureuse, n'ont aucune idée de ce qui se passera quand ils s'aimeront plus. Les séminaristes, ils sont amoureux de l'instant. Ils sont amoureux de l'émotion qu'ils ont vécue dans leur relation à Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans une lecture, que ce soit dans leur raison, que ce soit dans la rencontre d'un charismatique, d'un personnage qu'ils ont envie d'imiter. Ils ne sont pas du tout en train de prévoir la solitude dont vous parlez. C'est même complètement sur une autre planète, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe après, si je puis dire, dans la vraie vie? C'est-à-dire quand ils vont être en relation, quand ils vont être seuls dans leur presbytère, quand ils vont être affrontés à des questions difficiles, à leurs questions d'hommes, à leur évolution, quand ils vont vivre des crises, la crise de la quarantaine, la crise de perdre ses parents, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je crois que c'est plus compliqué que l'immaturité, c'est plutôt la question du discernement, de la formation, de l'accompagnement, c'est-à-dire de cette conscience que, de toute façon, enfin, qui n'est pas fragile, hein? Donc, comment est-ce qu'on va étayer une personnalité de telle manière à ce que, à partir de ce qu'elle est, où elle puisse se rendre compte qu'elle ne peut pas être prêtre, ou que peut-être peut-elle l'être, mais de toute façon, elle ne pourra pas l'être sans soutien et sans vigilance. De toute façon, pas seulement sur cette question, hein, mais sur beaucoup d'autres questions qui lui seront posées par la vie, tout simplement. Est-ce qu'un séminariste, entre guillemets, dangereux pour vous, François Marchand, c'est un jeune adulte qui est plutôt un enfant et qui, dans quelques années ou quelques mois, se fera appeler mon père, mais qui n'a pas l'autorité de ce père-là? Moi, je dirais, le type dangereux, c'est celui qui est incapable de relativiser, qui est incapable de mettre en question son propre jugement, qui confond ses convictions avec la vérité, qui a besoin de s'opposer que pour s'affirmer, et qui est contre parce qu'il ne peut pas être pour, il ne sait pas encore ce qu'il veut. Hein. Et moi, j'ai insisté surtout sur un concept que j'appelle le problème de la rencontre des territoires d'intimité. Dans la sexualité, on a parlé de désir génital, on a parlé des attirances homosexuelles, mais il y a une chose fondamentale qui est le besoin de tendresse, qui est un besoin psychologique, vital, universel. Personne ne peut vivre sans tendresse. Et la tendresse, elle se vit dans ce que j'appelle le partage d'un territoire d'intimité. C'est-à-dire cet espace dans lequel je vais pouvoir éventuellement accueillir quelqu'un que j'aime bien et qui je suis en confiance, mais aussi quelqu'un, un territoire que je vais protéger parce que j'en ai besoin pour vivre. Or, le problème des prêtres, c'est que tant qu'ils sont dans la tension de leurs études, où ils font de la philo, de la théologie, voire même de l'activité pastorale dans les paroisses, etc., je dirais qu'ils sont, toute leur énergie est relativement protégée, canalisée, conduite par leur mission et leur idéal. Et puis, ils deviennent prêtres, et du fait qu'ils sont prêtres ou même diacres, les gens se mettent à se confier à eux, c'est-à-dire vont les faire participer au territoire d'intimité. Et à ce moment-là, ceux qui sont immatures découvrent en eux que dans leur intimité à eux, l'intimité des autres provoque des maturations, des déclenchements, et c'est à ce moment-là que tout saute. Je m'appelle Jean-Hugues, j'ai 51 ans et je suis actuellement en formation au séminaire universitaire de Lyon pour devenir prêtre du diocèse de Grenoble. Vous direz 51 ans, ce n'est pas banal parce qu'on a toujours plutôt tendance à voir ceux qui se préparent à devenir prêtre comme des jeunes qui sont dans leur cycle d'études. Mais bon, il faut savoir qu'il y a aussi un certain nombre de vocations que l'on dit entre guillemets tardives, hein, et de plus en plus de personnes qui se sentent appelées après tout un parcours de vie, ce qui a été mon cas. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été appelé plus jeune, puisque vers l'âge de 17-18 ans, en gros au moment du bac, je me posais un petit peu la question de mon avenir, sachant que j'étais issu d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante, hein. Mais je crois que je n'étais pas prêt à cette époque-là, et surtout, il y avait une autre attirance beaucoup plus forte à travers des rencontres que j'avais faites, à travers des amis malades. Il y avait un appel à, quelque part, à essayer de soigner, de soulager ceux qui souffrent dans leur corps. J'ai vu que ma voie était plutôt du côté de la médecine, et je me suis engagé dans des études longues, difficiles, très prenantes, passionnantes aussi. Donc ça, c'est un premier aspect un petit peu de ma vie, donc les études se sont déroulées avec toutes les étapes, l'internat qui était assez long et qui a été le moment, entre autres, de rencontres, hein, parce que l'internat est un vivier de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et puis, ma foi, eh ben, beaucoup d'amitiés se créent à ce niveau-là, et beaucoup de couples aussi se forment. Donc, je ne dis pas que ça n'a pas été une période où j'ai fréquenté un petit peu. Mais il y avait quand même quelque chose qui était au fond de moi-même. D'une part, je me donnais totalement à ce que je faisais, je n'avais pas beaucoup de temps libre. Et puis d'autre part, ben, j'avais toujours cette petite phrase en moi, ce petit appel que j'avais ressenti vers 18 ans et qui était peut-être enfoui un petit peu, mais qui n'était pas totalement éteint. Et en me disant, vu ce que demande l'Église catholique romaine à l'heure actuelle, attention, réfléchis bien, où tu t'engages dans le mariage. Et puis tu pourras mener une vie épanouissante, superbe, dans ta famille, dans l'Église aussi, parce que les laïcs ont une place énorme. Ou il y a quand même cet appel un petit peu que je ressentais, peut-être faut-il rester libre. Et puis les choses ont fait que, bon, au hasard des rencontres et autres, il ne s'est pas lié de liens plus forts. Donc je suis resté célibataire, ce qui à mon avis d'ailleurs a été une bonne chose, parce que j'ai une période de ma vie qui a été très remplie. Ayant vécu, si vous voulez, cette période où j'avais là un célibat choisi, de même que je l'ai choisi pour le ministère, même si l'Église, quelque part, n'offre pas d'autres alternatives pour le prêtre. Je comprends ce célibat aussi comme étant un engagement radical, total, de la personne. Donc c'est une continuation d'une vie d'un célibataire qui choisit d'être un célibataire consacré au sein de l'Église, votre cheminement. Oui, je crois que le célibat se vit bien si on le choisit. Il y a toujours des combats, il y a toujours des épreuves dans la vie, ça c'est sûr. Je sais que je ne serai pas père de famille, directement par le lien du sang, hein, mais il y a, je crois, une toute autre paternalité qui est très importante à travers ce que l'on fait, à travers les rencontres, à travers tous ceux qui... Et un autre regard d'amour. Mais sur la question de la sexualité, proprement dite, comment vous vivez ça ? Disons que je ne vis pas l'engagement primaire d'ordination comme une castration. Le corps reste le corps, il y a toujours des tentations et tout, mais le tout c'est d'arriver par une certaine maîtrise, là c'est un lapsus, une certaine maîtrise à la fois du corps et de l'esprit surtout, hein, puisque tout est commandé par l'esprit, d'arriver effectivement à, on est des hommes, on n'est pas des animaux, hein, à aller au-delà de ces simples pulsions. Je me méfie toujours un peu de ceux qui me disent « ça ne me pose pas de problème, c'est facile, c'est toujours plus compliqué que ça ». Quelquefois, quand je reçois des jeunes, ils me disent « non, il n'y a pas de problème, tout est simple, etc. » Je dis « c'est pas si simple que ça ». Et pour justement pouvoir recevoir les gens sans mêler le désir et l'attirance, ça suppose une certaine maîtrise de soi. D'ailleurs, il n'y a pas que ce métier-là. C'est pareil pour le psychologue, c'est pareil pour le médecin. Si le médecin qui reçoit des femmes, qui est obligé de les examiner de près, mêle le désir, finalement, la relation en est faussée. Je dirais que même dans la relation de parole, c'est quelque chose qui peut être très fort affectivement. Et il est important de se rendre compte que, en rencontrant des gens qui se révèlent, qui parlent très fortement de leur intimité, de leur affectivité, etc., il est important qu'ils sachent garder une certaine sérénité pour la bonne marche même de l'entretien. La foi à l'épreuve de la chair. Avec la théologienne sœur Véronique Margron, le père supérieur Charles Bonnet, responsable du séminaire universitaire de Lyon. François Marchand, psychologue à l'association médico-psychologique d'aide aux religieux. Michel Kubler, rédacteur en chef du journal La Croix. Grégoire et Jean-Hugues, séminaristes. Coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. La suite du documentaire sur la foi à l'épreuve de la chair, ce sera demain à 13h30.